suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants à ma chemise, combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres, 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé. Et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage, une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme volée. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, Paris, Paris, Paris, je te reviens encore. Hurra, hurra, hurra, je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux coco. Hurra, hurra, hurra, j'apporte à votre noce toute une fortune à croquer. Le j'en viens plus, mais plus mettre. Prenez mes dollars, mes banknotes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les riz et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris comme mène en bal d'anière. Sache-le bien seulement, car c'est là ma nature. J'en prendrai pour mon argent. Je vous le jure, j'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Venez, venez, venez, venez. Amel Bent est une chanteuse de variété française de R&B et de pop qui s'est fait connaître en participant en 2004 à la saison 2 de La Nouvelle Star diffusée sur M6. En août 2018, elle dévoile un nouvel extrait de son nouvel album, un titre intitulé Rien, qu'elle interprète en duo avec le rappeur Alonso. On écoute Rien de Amel Bent et Alonso. S'abîme, les marques avec le temps trahissent la chute comme dans les films. Pourtant l'un sans l'autre nous ne sommes rien. Rien, rien, rien. On sait mon équilibre en attendant que sonne la cloche sur le ring. Mais face à la fin y'a l'esquive. Ne vois-tu pas nos corps partir à la dérive? Si on fait rien, rien, rien. Tu me dis que plus rien n'a de sens. Pourtant tu m'attends, attends, attends. Tu veux qu'on se donne encore une énième chance. Et moi je l'attends, attends, attends. Et pour le meilleur ou le pire, laisse-moi te dire, même si demain tout finit, je sais que l'un sans l'autre nous ne sommes rien. N'offre plus de roses et rêve d'une autre dans ton lit. Pourtant l'un sans l'autre nous ne sommes rien. Rien, rien, rien. C'est comme la peur du vide. Aucun de nous ne lâche par instinct de survie. Mais face à la fin et à la fuite, je vois déjà se noyer nos vies insipides. Si on fait rien, rien, rien. Et toi tu me dis que plus rien n'a de sens. Pourtant tu m'attends, attends, attends. Tu veux qu'on se donne encore une énième chance. Et moi je l'attends, attends, attends. Pour le meilleur ou le pire, laisse-moi te dire, même si demain tu m'oublies, je sais que l'un sans l'autre nous ne sommes rien. Secondaire, yeah. Oh non, yeah. J'attends des actes, t'as mille et une rancœur. Je me prépare à l'impact, on se kiffe à 100 à l'heure. Je pense que tu m'aimerais pas si j'étais pas si dur. Sans toi je peux pas, mais même quand tu pleures, je garde mon armure. Battons-nous pour notre mariage, dansons sous ce gros orage. On n'est pas comme eux, ma vie t'es mienne jusqu'au grand voyage. Tout refaire j'arriverai pas, j'ai beau avoir une fierté malsaine. Je sais que l'un sans l'autre, nous ne sommes rien, rien, rien. L'un sans l'autre, nous ne sommes rien, rien, rien, rien, rien. Mon amour, nous ne sommes rien. On s'aime, on se détruit, on casse, on reconstruit. Mais bref, ça ne bouge pas. Nous ne sommes rien. Ton sourire n'a pas de prix. Je ferai la guerre à celui qui te l'enlèvera. Mon amour, nous ne sommes rien. Gérard Lenormand, il est né en 1945 dans une maternité où les religieuses accueillaient les jeunes femmes en difficulté, et sa mère était alors âgée de 16 ans et naissait de père inconnu. Il apprendra 35 ans plus tard qu'en fait il était le fils d'un soldat allemand, un violoniste et chef d'orchestre qui faisait partie des troupes d'occupation, mais il ne fit jamais sa connaissance. Son enfance se passe à Paris et aussi en Auvergne, dans un désert affectif et intellectuel, dont plusieurs mois à l'orphelinat de Saint-Vincent-de-Paul. À 5 ans néanmoins, il apprend à jouer de l'harmonium. À 12 ans, il écrit sa première chanson, Le Vagabond. À 14 ans, il intègre les orchestres locaux en tant que chanteur. Et à 16 ans, il bosse, il travaille à l'usine tout en se produisant dans les bals régionaux, puis au club Méditerranée. Et à 18 ans, flac, un accident de voiture l'immobilise et il en profite pour écrire de nouvelles chansons. En 1980, il suggère un gouvernement d'un genre un peu particulier, Mickey Premier ministre, Saint-Play à la culture, Tintin à la police, Picsou aux finances, Zorro à la justice, Minnie à la danse, Tarzan à l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie et Coluche à la rigolade, si j'étais président, Gérard Lenormand. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, Simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. Aux bornes des fontaines coulerait de l'orangeade. Coluche, notre ministre de la rigolade, imposerait des manèges sur toutes les esplanades. On s'éclaterait vraiment si j'étais président. Si j'étais président de la République, pour nous des rigolades, ça serait super pratique. serai jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique. Pas besoin d'être président pour aimer les enfants. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Une chanson de 1963 écrite et composée par Serge Rezzani, qui fut recomposé en 1964 par le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. J'ai la mémoire qui flanche, Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on. Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris. Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens. Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête. Tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier. Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui. Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi j'en parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois, pardon. Bah, il y aura de l'eau dans le gaz. Midi sur novembre, Louane et Julien Doré. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre, labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Il est midi sur novembre et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine, we'll be fine. sur novembre et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Une chanson maintenant de 1935, une musique de Paul Mizrahi. Ses auteurs Charles Bach et Henri Laverne se moquaient par là de l'optimisme forcené que montraient les gouvernements français successifs devant la montée du nazisme. Eh oui, on croit qu'on rigole tout le temps, mais non. La création des premiers camps de concentration, l'incendie de Reichstadt, les lois de Nuremberg n'inspiraient aucune inquiétude et il était plus facile de dire que finalement tout allait bien. Cette version de la chanson est une version collector et cela tient essentiellement au chanteur qui l'interprète. La marquise, c'est Sacha Distel. James, Jean-Pierre Cassel. Martin Lecocher, Jean-Marc Thibault. Pascal le cuisinier, Roger Pierre. Lucas, Jean-Yann. Tout va très bien, Madame la Marquise. Allô, allô, James, quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Martin, quelle nouvelle ! Ma jument grise, morte aujourd'hui ! Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ? Cela n'est rien, Madame la Marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplorait tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, allô, allô, Pascal, quelle nouvelle ? Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, vous, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ? Cela n'est rien, Madame la Marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplorait tout petit rien. Si l'écurie brûla, Madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va bien, hein ? Allô, allô, allô, allô, allô, Lucas, quelle nouvelle ! Votre château est donc détruit. Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit ? Eh Eh bien voilà, Madame la Marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise que Monsieur le Marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant l'appel qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma du bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea à l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Une carrière artistique qui commence en 1930 et qui prend fin à son décès en 2008. Henri Salvador fut un chanteur, humoriste français, compositeur et guitariste. Il a débuté dans les orchestres de jazz français, notamment chez Ray Ventura. Des chansons douces, mais aussi des chansons rigolotes, ce grand timide savait que le rire communicatif, et il savait que le rire était aussi son meilleur ami. Zorro est arrivé, Henri Salvador. Et alors ? Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coinça près de la Syrie et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. Puis il l'empoigna. Ben, il la ficela. Il l'a mis sous la scie. Et Zorro est arrivé. J'ai pris la deuxième chaîne car un vieux schnock parlait. Charmante soirée, sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, Joe le Bouffi coinçait la pauvre Suzy. Il lui disait: donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée. Puis il l'empoigna. Mais la ficela. Il mit le feu à la dynamite. Et Zorro est arrivé. J'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards, se déroulait la même scène. Et Jojo, Jojo le Bouffi, dans un sac fourré, Suzy disant: donne-moi ton rancher boudin ou je vais te balancer sous le train. Puis il l'empoigna et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Mais le train arrivait, les coupés. Zorro est arrivé sans se presser. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo. Sacré Zorro. En septembre 2018, Zaz partage sur les réseaux sociaux Kevender. Il s'agit du premier extrait de son album L'effet miroir. Le titre et le refrain sont en espagnol et l'album est sorti en novembre 2018. Nous écoutons tout de suite Kevender de Zaz. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará.

boule. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faux. Pour t'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te Paris, t'as voulu voir du temps et on a vu du temps. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir enfin, elle était dans le cantal, je voulais voir. David Gramont, alias Tonton David, est un chanteur français né en 1967 à La Réunion. Il obtint un énorme succès avec son tube Sûr et Certain, qui lui valut une nomination aux Victoires de la musique en 1994. Sûr et certain, Tonton David. Somme maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé comme d'homme, assistance en calcul. Mon œil de la métropole, par si le club met par l'un des maisons. Chanteuse, auteure, compositrice, interprète et productrice française, connue précédemment sous le nom de Christine and the Queens, se fait désormais appeler Chris. Elle adopte un look androgyne et se définit pansexuelle. La chanteuse joue l'ambiguïté sur son identité sexuelle et assume cette nouvelle image afin de redéfinir une féminité opprimée. Elle va marcher très longtemps en forçant les regards agressifs. La marcheuse Christine. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les points qui redessinent. Je vais chercher le éhontement, les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Et voilà, notre émission La Cerise sur le Canton numéro 13 touche à sa fin. Mais une émission un peu particulière aujourd'hui, puisque nous avions le plaisir de recevoir deux jeunes stagiaires, en l'occurrence Elsa et Paul. Et bon, je voudrais leur demander un petit peu d'abord, quel âge avez-vous ? Paul, tu as quel âge ? J'ai 14 ans, moi. Tu as 14 ans et tu es en quelle classe ? En 3e. Où ? À Lunéville. D'accord. Elsa ? Ah bah moi j'ai 14 ans, pareil, en 3e à Saint-Léon. Bon, nous on n'a pas 14 ans avec Yves, mais on est très heureux d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez ? Vous avez fait une semaine là, à la radio Fadjet. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait, Paul ? Eh ben plein de nouveautés aussi qu'on a apprises. Et puis c'était bien sympa. Concrètement ? Tu peux l'aider, hein, Elsa. Concrètement, bah, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres avec des personnes très sympas, très gentilles et bienveillantes. Vous avez participé à quelles émissions ? Oui, là. la matinale. Plusieurs fois ? Non, qu'une fois. C'était ce matin ? Moi, c'était hier. Et moi, c'était ce matin, du coup. Donc, tu as eu droit à la guitare, Elsa. Exact. Et puis ? L'émission rap aussi, le dimanche. Ça vous a plu, ça ? Pas vraiment, mais... Il y a toujours du bon à prendre. Bon, et puis bah, aujourd'hui, vous avez participé à la cerise sur le canto. Il faut savoir que Yves a été totalement autonome à la technique. Bien entendu, Yves était derrière. Yves avait l'œil. Mais il s'est très bien débrouillé. Et puis Elsa, eh bien, elle a fait connaissance avec le micro. Non, tu as parlé dans d'autres émissions ? Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc tu t'en es très bien tiré. Merci. Alors, ben, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter d'abord ? Réussite dans vos études. Et puis, qui sait, peut-être qu'un de ces jours, on va vous revoir dans le studio, dans un autre habit que l'habit de stagiaire, pourquoi pas ? On l'espère. Hein ? Allez, c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 13. Merci à Yves et à Paul pour la réalisation technique. Merci à Elsa pour le concours qu'elle a apporté aux commentaires. Merci à vous. Des chansons. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Et là, bah, vous allez jouer au tiercé. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va gagner, non ? En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Fadjet Nancy 94.2 ou sur le net fadjet.net en ligne. Au revoir !